3 du mat, j'suis devant le club. Et je rentre comme si c'était un pub. La queue est longue, mais je fais pas la queue. Grosse équipe, 10 fois 2. Bis du front, un méga dans le fond. Trop de prestance, mais qui ils sont? Versatisé, gabanisé, Rolexisé, je peux pas me canaliser. T'es beau, mon cousin, ah oui. T'es frais, mon cousin, ah oui. T'es belle, ma cousine, ah oui. T'es fraîche, ma cousine, ah oui. T'as des balles, mon cousin, ah oui. Des balles et des balles, mon cousin, ah oui. T'as des balles, ma cousine, ah oui. Des balles et des balles, ma cousine, ah oui. On va les choquer. Choquer, choquer. Choquer, choquer, choquer, choquer. Les choquer, choquer. On va les choquer. Choquer, choquer. Choquer, choquer, choquer, choquer. Les choquer, choquer. J'suis un gars de la tête, j'suis un gars de la brèche, j'suis dans la presse, j'suis un gosse de la haine. Ça parle d'argent, j'peux pas naresse. Te rentre dedans, tu veux d'arrêt. J'suis à ma table, y'a mes gars sûrs, j'te connais pas, tu fonces dans le mur. Tu me parles de blanche, tu me parles de pur, j'te connais pas, tu fonces dans le mur. T'es beau, mon cousin, ah oui. T'es frais, mon cousin, ah oui. T'es belle, ma cousine, ah oui. T'es fraîche, ma cousine, ah oui. T'as des balles, mon cousin, ah oui. Des balles et des balles, mon cousin, ah oui. Des balles, ma cousine, ah oui. Des balles et des balles, ma cousine, ah oui. On va les choquer. Choquer, choquer. Choquer, choquer, choquer, choquer. Les choquer, choquer. On va les choquer. Choquer, choquer. Choquer, choquer, choquer, choquer. Les choquer, choquer. Les choquer. C'est le moment d'envoyer. Rouler. Viva!